بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'explication de sourate al-Fajr. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait de Ad, le peuple de Ad, Iram Adat il-Imad, Iram, celle qui possède la colonne remarquable. Celle qui possède la colonne remarquable. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Celle dont nul ne fut créé comme elle dans les villes, dans les pays. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Et Thamud, ceux qui taillaient les rochers dans la vallée. Wa fir'aun dhil autad. Et Fir'aun, celui, le possesseur des pics. Le possesseur des piquets, excusez-moi. Alladhina tagaw fil bilad. Ceux qui ont transgressé dans les pays. Fa aktharu fiha al fasad. Et qui y ont commis beaucoup de désordre, de corruption. Fa sabb alayhim rabbuka sawta adhab. Alors ton Seigneur a déversé sur eux un fouet de châtiment. Inna rabbaka la bil mirsad. Certes, ton Seigneur est aux aguets. Lorsque Allah Ta'ala nous dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait de Ad? N'as-tu pas vu ce qu'il a fait d'eux? Fal khitab muwajjahun ila kulli man awjaba Allah alayhi al-iman bi nabiyyi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole, elle s'adresse à tous ceux à qui Allah Ta'ala a rendu obligatoire la foi en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ha'oula humul bashar wal jinn. Et ceux-là, ce sont les êtres humains ainsi que les djinns. Alors Allah Ta'ala il dit à chacun d'entre eux « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad » N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait de Ad? N'as-tu pas vu ce qu'il a fait de Ad? Wa'ad hum qawm Hud. Ad, c'est le peuple de Hud. Ad, c'est le peuple de Hud. Arsalahu Allahu ilayhim. Yad'uhum ila ibadatillahi wahda. Allah il a envoyé Hud vers le peuple de vers Ad. Allah il a envoyé Hud vers Ad pour les appeler à l'adoration d'Allah seul. Fakadhabuhu fa'tarru bima indahum min quwwa. Alors ils ont mécru en son message et se sont trompés par la force qu'ils avaient. Et ils se sont trompés à cause de la force qu'ils avaient. Fastakbaru. Et donc ils se sont enorgueillis. Wa bayyana Allah Ta'ala annahum du'afa li'annahum makhluqun. Et Allah Ta'ala, il a montré qu'ils sont faibles parce que ce sont des créatures. فَمَهْمَا عِنْدَكَ مِنْ قُوَّةٍ فَأَنْتَ مَخْلُوقٌ. Peu importe la force que tu as, les muscles que tu es une créature. فَالَّذِي أَعْطَاكَ هَذِهِ الْقُوَّةِ قَدْ يُزِيلُهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ. Celui qui t'a accordé cette force peut la faire disparaître et partir à n'importe quel instant, s'il le veut. Allah Ta'ala qui dit فَأَمَّا عَادٍ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. En ce qui concerne Ad, quant à Ad, alors ils se sont enorgueillis sur terre sans droit. Et ils dirent, qui est plus fort que nous? Qui est plus fort que nous? Ne voit-il pas que Allah est celui qui les a créés? Il est plus fort qu'eux. Et ils rejetaient nos versets, ils rejetaient nos signes. Et donc il ne convient à quiconque de se tromper, d'être leurré par la force qu'il a. Car dans tous les cas, il est makhlouq, c'est une créature. Et Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui t'a accordé cette force, peut l'enlever. Iram adhat al-imad. Iram, celle qui possède la colonne remarquable. Ismun liqabilatin. Et donc, Iram, c'est le nom de la tribu. Wa qila innaha qabilatun fil Yémen. Et il fut dit donc que c'est la tribu qui est au Yémen. Wa qila innahum summu bidhalika ay dhat al-imad. لِطُولِ قَامَتِهِمْ وَقِيلَ لِطُولِ قُوَّةِ بُيُوتِهِمْ. Et donc, il fut dit qu'ils ont été appelés comme cela, ذات العماد, celle qui possède la colonne remarquable, à cause de leur longue taille. Donc, ces gens-là, ils étaient grands. Il fut dit aussi que c'est à cause de la longueur et de la force, de la longueur et de la puissance de leur maison, de leur demeure. Fasawa an kanu aw kana hadha aw dhalik fahum qawmun a'tahum Allah ma a'tahum min al-quwwa wa hadha alladhi a'tahum lam yu'ta li ghayrihim. Et donc, peu importe qu'ils ont été appelés comme cela, « ذات العماد » à cause de leur grande taille ou à cause de leur maison remarquable, peu importe cela ou l'autre, dans tous les cas, c'est un peuple à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé une puissance. Et ce que Allah leur a accordé, il ne l'a pas accordé à autre. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad » Celle dont nul ne fut créé comme elle dans les villes. « Fahaulai ma'a kuwatihimul fa'iqa ahlakahumullah al-aziz alladhi la yaghlibuhu shay » Et donc ces gens-là, malgré leur extrême puissance, Allah il les a détruits. Le Tout-Puissant, celui dont nul ne peut avoir le dessus sur lui. Allah Ta'ala qui dit « Wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya » Quant à Ad, alors ils furent détruits par un vent mugissant et violent, et extrêmement violent. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. Qu'il déchaîna sur eux durant sept jours et huit nuits consécutives. فترى القوم فيها صرعا. Alors, tu vois les gens renversés par terre. كأنهم أعجاز نخل خاوية. Comme s'ils sont des souches de palmiers évidées. Alors, en vois-tu le moindre vestige? Vois-tu des restes de ces gens-là? Les savants, ils ont dit alors, il n'y a que leur maison qu'on voyait après cela, que leur demeure. Allah les a anéantis, détruits. Alors qu'ils étaient forts, il leur a donné beaucoup de force. إذن هذا السؤال من الله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد المراد منه الاعتبار. Et donc cette question qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, ألم ترى كيف فعل ربك بعاد, n'as-tu pas vu comment Allah a fait de Ad, n'as-tu pas vu ce qu'il a fait d'eux? Cette question, ce qui est voulu par là, c'est le fait de tirer des leçons. Tirer des leçons de ce qui s'est passé. وَلَا يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ الْجَوَابِ. Et on ne comprend nullement de cela que Allah ne connaît pas la réponse. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Et Thamoud, ceux qui taillaient les rochers dans la vallée. فَهَاُولَا مَسَاكِنُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى تَبُوكِ. Et donc ces gens-là, Thamoud, leurs demeures sont connues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par là lorsqu'il allait à Tabouk. فَهَاُولَاِ اَيْضًا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ قُوَّةً عَظِيمَةً لَكِنَّهُمْ كَذَّبُوا الرَّسُولِ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَهُوَ صَالِحٌ. Et donc Thamoud, ces gens-là aussi, Allah leur a accordé une énorme puissance. Cependant, ils ont eux aussi rejeté et démenti le message du messager qui a été envoyé vers eux. Et celui-ci, c'est Salih. وَاغْتَرُّوا بِهَذِهِ الْقُوَّةِ. Et ils furent eux aussi leurrés par cette force qu'il avait. فَكَانُوا يَخْرِقُونَ الْجِبَالِ وَالسُّخُورِ وَيَصْنَعُونَ مِنْهَا الْبُيُوتِ. Et donc ces gens-là, ils taillaient les montagnes, ils taillaient les pierres, et en faisaient des demeures. Allah Ta'ala qui dit كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. Thamoud ont rejeté l'avertissement. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُ إِنَّا إِذَنْ لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. Alors ils dirent, est-ce que nous n'allons suivre qu'un homme d'entre nous? Certes, si nous faisons cela, nous sommes dans un égarement et une folie. وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ الْقَمَرِ بطلان الاحتجاج بالكثرة لأن هؤلاء يحتجوا بكثرتهم على أنهم على الحق وعلى أنهم لو اتبعوا صالحا وهو وحده فهم على باطل. Il y a dans ce verset de sourate Al-Qamar le caractère caduque d'utiliser le grand nombre comme preuve de la vérité. Car ces gens-là, Thamoud, ils ont utilisé leur grand nombre en disant qu'ils sont sur la vérité et que Salih est seul. Et que s'ils devaient suivre Salih, qui est seul, alors ils seraient, eux, dans un égarement, dans le faux. فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ مَعَكُوَّتِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ. Alors Allah, il les a anéantis, détruits. Malgré leur force et leur nombre. Amma Thamoud, fakayfa kana halakuhum. En ce qui concerne Thamoud, alors comment est-ce qu'ils furent détruits? Allah Ta'ala qui dit inna arsalna alayhim sayhatan wahida fakanu kahashim al-muhtadhir. Certes, nous avons envoyé sur eux un seul cri. Alors ils furent comme la paille d'étable. فالله تعالى أخبرنا بحال هؤلاء لنعتبر وليعتبر الكافرون الكافرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يغتروا بقوتهم وكثرتهم. Allah Ta'ala, il nous a informé de la situation de ces gens-là, afin que nous puissions en tirer des leçons, et aussi afin que les incroyants, ceux qui rejettent le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne soient pas leurrés par leur puissance, et par leur nombre. وينبغي أن يعلم أن أمتنا هذه لن تهلك بما أهلكت به الأمم السابقة بهذا العذاب العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بأن يهلك أمته بأن لا يهلك أمته بسنة بعامة ولكن هذه الأمة قد يجعل الله بأسها بينهم فيقاتل بعضهم بعضا فيكون هلاك بعض هذه الأمة بأيدي البعض. Et il est important de savoir que notre communauté ne sera pas détruite comme les communautés précédentes par un châtiment général qui les englobe tous. Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué son Seigneur de ne pas détruire sa communauté par une destruction générale. Cependant, cette communauté, Allah tabaraka wa ta'ala peut placer le mal de cette communauté entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont se tuer, se combattre mutuellement. Et donc, la destruction de certains de cette communauté se fera par la main des autres, se fera par le biais des autres. Fayajibu alina, ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, an nahdhara al-fitan, wa ahlaha, alladhina yas'auna ila tafriqi wahdati al-muslimin, bil-bid'i wal-ahwa. Et donc, il nous est obligatoire, ô mes frères et sœurs, de nous méfier des troubles et des adeptes des troubles, ceux qui cherchent à diviser, ceux qui cherchent à anéantir l'union des musulmans par l'innovation et la passion. فهذه الحروب وهذا القتال وهذه الفتن التي نزلت بالمسلمين سببها البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشار المعاصي وكثرة القيل والقال وقلة العلم مع كثرة المتكلمين. Et donc toutes ces guerres et ces combats qu'il y a entre les musulmans, toutes ces fitanes, tous ces troubles qui sont descendus et qui ont touché la communauté musulmane, leur cause sont l'éloignement du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la propagation des péchés, le grand nombre de personnes qui tombent dans les on-dit, et aussi la diminution, la forte diminution de la science associée à l'augmentation des parleurs, l'augmentation de ceux qui parlent et la diminution de la science. Voilà les causes de toutes les fitanes et des guerres qu'il y a entre les musulmans. Fanas'alullaha ta'ala an yahfadhana min al-fitan. Et donc nous demandons à Allah le Très-Haut de nous protéger des fitanes, de nous protéger des troubles. Thumma zakara ta'ala fir'auna. Ensuite Allah ta'ala il a cité Fir'aun. Wa qad takallamna anhu fi durusin qad madat. Et certes, nous avons parlé de Pharaon durant les cours précédents. Wa sanu'idu al-kalam 'alayhi fi al-usbu' al-qadim insha'Allah ta'ala. Et certes, la semaine prochaine inshallah, nous allons reprendre, aborder de nouveau le sujet de Pharaon. Lil fa'idati qabla al-muwasalati fi tafsir as-surah. Et donc, et tout cela afin de profiter, de tirer divers profits avant de continuer dans l'exégèse de cette sourate. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.